La tentation de Chauzet par Lucien Méronin. Dieu dit un jour à son ange préféré : L'ange, prépare-toi à faire un long voyage. L'ange baissa la tête et les ailes en signe de soumission, mais intérieurement il jubilait. Dieu a continué : Il y a trop de mécréants sur terre, ce n'est plus tolérable. Je veux que tu partes, que tu voles, que tu choisisses un mécréant au hasard, que tu le ramènes à ma cause et que tu reviennes me faire ton rapport. Si tu échoues, l'ange, ma colère sera terrible. Tout le monde le sait, sauf les mécréants, les colères de Dieu sont toujours terribles. On pourrait se demander pourquoi Dieu fit appel à un ange, lui qui sait tout, entend tout, voit tout, et est omniprésent. Dire que ses desseins sont impénétrables serait emprunter un lieu commun, refuser de répondre simplement à une question simple. En fait, Dieu a tellement de travail qu'il est parfois obligé de déléguer. Ici, nous appelons cette solidarité la communion des saints, mais là-haut, les anges disent tout bonnement que c'est le partage du travail. Donc, l'ange arrive sur terre, à Saint-Malo, sans prévenir, et se glisse dans la peau d'un type reluisant. C'est un ancien taulard. Il écrit un bouquin sur la prison, se prend pour Céline, est encore un peu voleur, fumeur de gauloise, inscrit au chômage depuis des lustres, mais tout dévoué à Dieu car ce n'est pas incompatible. Ce jour-là, jour où l'ange arrive sur terre, Céline s'apprête à partir en bateau avec un copain pour l'île de Chauzet. La Clisse, c'est le nom du copain, est un mécréant de la première heure, un vrai de vrai, du genre incrédule, qui vérifie trois fois sa montre avant de boire le bouillon de 11 heures, de la méfiance plein les yeux. La Clisse est au rendez-vous pile à l'heure. Oui, je sais, on parle beaucoup d'heures et cela gâche le style, mais vous verrez bientôt que l'horaire a son importance dans cette histoire. Au départ, tout se passe bien, alors l'ange laisse faire. Il se dit qu'il n'y a pas le feu au lac, qu'il faut arriver à bon port, ensuite il avisera. Un vent debout freine quelque peu l'allure, ainsi qu'une bouteille de Bartisol bue entre l'île de Sésambre et la pointe de la Varde, une autre de Bordeaux dégustée au cours du repas, et le soleil de juin dont les caresses incitent plus au farniente qu'à la régate. Autour du bateau, le Love Junior, une eau claire et pure roule ses émeraudes, et dans le ciel, les mouettes dénoncent le moindre banc de maquereau par leur cri de rapporteuse. L'ange ne se méfie pas. C'est au moment où la Clisse part faire une sieste dans la cabine que la tuile survient, plus un souffle de vent. Loin, très loin, l'ange aperçoit Chauzet, comme un secours des ascédiques. Mais le bateau n'avance plus. Pire, il dérive plein sud vers le mont Saint-Michel poussé par un courant vagabond. Dans l'armée des anges, Saint-Michel est le généralissime, un dur à cuire, fougueux, bagarreur. Il a terrassé le dragon, enfin vous savez. L'ange pressent l'engueulade, la sanction peut-être. Pris de panique, il téléphone au patron. Dieu est de bon poil car il vient d'apprendre l'arrestation de Saddam Hussein et l'évasion de Mouloud Hachemi, un petit voleur de mobilette. Aussitôt, le Love Junior reçoit un vent de force 5, trois quarts arrière. Nous vous passons la suite. Le bateau quitte, tel un cheval éperonné bondit sur la vague, le réveil de la Clisse, une pêche quasi miraculeuse. Bref, une heure plus tard, les voici devant Chauzet. Certains penseront que l'ange, sous les traits de Céline, aurait dû profiter de l'incident pour se mettre au travail, commencer sa mission. En effet, quelle meilleure situation qu'un voilier cloué au large pour entamer le défense d'un mécréant. Mais il y avait tant de beauté dans le ciel, et chez l'ange tant de hâte à voir évoluer la côte normande, qu'entre le voyage et le travail, ce dernier opta pour le voyage. Qui l'en blâmerait? À peine débarqué, la Clisse fait visiter l'île à son pote. Il marche devant. Céline ne connaît pas Chauzet, et déjà lui arrive dans la tête des odeurs et des couleurs semblables au baiser d'une fille que l'on n'a pas encore embrassée. Il accorde à Chauzet la beauté d'une promesse. Sur ce coin de terre qui semble oublié, on peut voir de minuscules maisons aux volets bleus, un bureau de tabac et deux bars. Arrivé à hauteur de l'un des bars, la Clisse se retourne, il dit « Tu bois un coup, Céline ?» Céline ne s'est pas méfiée. Il a répondu oui sans réfléchir. Les deux potes sont entrés dans le bar, la serveuse était belle et joyeux, les marins pêcheurs accoudés au comptoir. Ils ont bu de la bière, on ne sait plus combien. Quand elle est isolée, la bière ne fait pas pisser bien loin. Mais derrière une bouteille de Bartisol, une de Bordeaux et l'air marin qui est bourré d'iode, elle vous remuerait même un ange. Là-dessus, nos deux compères prennent l'annexe et hardi les rameurs. Ils arrivent sur le Love Junior juste à temps pour admirer le coucher du soleil et se remettre à table. Le matin, ils ont pris une dizaine de maquereaux à la traîne, de quoi nourrir une famille. Mais la Clisse a oublié la poêle à frire, alors ils se rabattent sur un poulet rôti pêché la veille dans le frigo du manoir. Le manoir est un centre de vacances familiales, où la Clisse est employée comme cuistot. Nous mettrons ce détail entre parenthèses à cause de M. Cochepleur, le directeur du manoir. S'il apprenait que la Clisse est au moins aussi voleur que Céline, il en ferait une jaunisse, et la Clisse serait licenciée. Donc, parenthèse. Ils débouchent une bouteille de Bordeaux, normal. Le repas s'étire en longueur. Ils boivent, mangent, reboivent. Bientôt la nuit tombe, bientôt on ne voit plus l'étiquette sur la quatrième bouteille de Bordeaux. Maintenant, les voici installés dans la cabine, chacun sur sa couchette. L'ange et le mécréant face à face, avec entre eux la cinquième bouteille de Bordeaux. Le Bordeaux est, paraît-il, un vin qui fait rêver quand on peut en boire, et encore plus quand on ne peut pas. Autour de minuit, chaud comme de la braise, l'ange ou Céline ou l'ange, bref, on ne sait plus, se lance enfin. Il commence par un sermon sur Dieu, la foi, la vie éternelle. Rien. Il cite des exemples, échafaud d'une théorie pascalienne, thèse, antithèse, synthèse, le grand jeu, quoi. Toujours rien. La Clisse reste de marbre, bien campée sur sa couchette et sa position de mécréant. L'ange boit un verre, insiste, attaque par la bande, chante un psaume, boit un autre verre, que dalle. À bout d'arguments, de force, de salive, de Bordeaux peut-être, l'ange baisse les ailes. Ils se disent bonne nuit, et chacun rentre chez soi. Ils n'ont pas long à ramper. Pendant son sommeil, l'ange fait un horrible cauchemar, un cauchemar humain. Il a très envie de pisser, mais il ne peut pas car son sexe s'est transformé en bouteille de Bordeaux. Et la bouteille est bouchée. Au matin, il se réveille en même temps, saute dans l'annexe, chacun sa pagaie et hardit les rameurs. Dieu, ce que Céline a mal au crâne. Mal aussi dans la gorge. Et ses bras pèsent lourd. Dans le bar, la serveuse leur apporte du café avec un sourire qui en dit beaucoup. Dehors, il fait beau. La Clisse inspecte le ciel, ouvre les narines, se gratte une oreille, décrète que le vent est parti ailleurs et qu'il faut lever l'ancre au plus vite si l'on veut atteindre Saint-Malo devant la nuit. D'une cabine téléphonique, ils appellent Hervé, un copain de la Clisse et de Céline. L'ange doit donc lui parler. Puis c'est l'heure, il faut partir. Les voici sur un promontoire rocheux près du phare. La marée découvre des récifs qui sont comme autant de sentinelles gardiennes de la promesse. L'ange fait le plein de beauté. À cet instant, il pense pouvoir attraper au vol sa mission perdue parce que la Clisse lui explique qu'autour de la grande île, on compte 365 kilos à marée basse et 52 à marée haute. Fièrement, il précise « autant que de jours et de semaines dans une année ». L'ange a la certitude que c'est un clin d'œil du patron, histoire de dire « alors, ce n'est pas une preuve, ça ?» Il est prêt pour une relance, oui, il va parler, maintenant. Il va te le retourner comme une crêpe, ce mécréant. Mais le mal au crâne, dans la gorge, les bras lourds, non. Sur le trajet du retour, l'ange comprend vite que la colère de Dieu est en marche. Les caresses du soleil se transforment en brûlure atroce qui lui tire la peau du visage. Le vent demeure caché. Après 2 heures de navigation, ils aperçoivent encore l'île, mais en gros plan, mais sur le côté. Ils avancent en crabe. La Clisse calcule qu'à cette allure, ils seront à Granville dans 2 jours. Ça l'emmerde beaucoup, vu que son but est d'atteindre Saint-Malo avant la brune. Ça l'emmerde tellement qu'il part se cacher derrière le phoque et fait caca dans l'eau si claire et si pure. Au milieu des émeraudes, l'ange profite de son absence pour téléphoner à Dieu, on ne sait jamais. C'est le répondeur. Il laisse un message d'une sobre humilité. « S'il vous plaît, patron, un peu de zef, merci. » Ne sachant pas si Dieu daignera lui répondre, il cherche une autre solution quand soudain, surgit de nulle part, retentit le dies irae. Suivi d'un coup de vent violent qui s'engouffre dans la grand voile, ramène la baume sur lui, le fait trébucher. Il se relève, se frotte le crâne. Il a une grosse bosse au milieu du front. Le vent est retombé. La Clisse arrivait sur le pont arrière. « Dis donc, vieux, tu pourrais pas faire une prière pour qu'on ait un peu de vent ?» Céline en est restée sans bois. En désespoir de cause, après de longues hésitations, La clé actionna le moteur et vroom vroom, tuff tuff, ils purent boucler le trajet en 6h28. Les brûlures du soleil, le mal au crâne, dans la gorge, les bras lourds, plus le vacarme du moteur. L'ange, bien qu'immortel, pense à mourir. Ils sont passés au manoir saluer Hervé qui leur a offert l'apéro. Comme Céline le connaît, il s'est senti obligé de plaisanter avec lui et les rires lui travaillaient un peu plus la peau du visage. Hervé a voulu offrir une tournée, mais cette fois il se méfiait, il a dit non. Céline est rentrée chez lui avec le restant de la bouffe, une bouteille d'eau et des gobelets en plastique. Le Bordeaux, fallait plus y penser. À la télé, la météo annonçait du grand beau temps pour toute la semaine. L'ange a quitté l'enveloppe charnelle de Céline qui commençait à piquer du nez, puis il est remonté au ciel afin de faire son rapport. Dieu l'attendait. Nous avons quelques relations dans la place. L'une d'entre elles a bien voulu prendre des notes de l'entretien. Nous vous les livrons, à la virgule. Dieu, tu n'es qu'un bon à rien, l'ange. L'ange, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Ce mécréant était en béton. Dieu, ivrogne, tu mériterais un châtiment éternel. L'ange, pour détourner sa colère. Est-ce que Céline a souffert ce que j'ai souffert? Dieu, plus, il souffre encore et il souffrira demain. L'ange, et l'Aclis? Dieu, l'Aclis n'a rien senti. L'ange, sans doute encore un peu bourré. Ce n'est pas juste, patron. Le mécréant, c'est lui, pas Céline. Dieu, oui, mais l'Aclis est enduit de crème solaire, a beaucoup moins fumé de cigarettes, et il tient mieux la chopine. Est-ce ma faute à moi s'il tient mieux la chopine? Et puis, si je veux le rallier à ma cause, ce n'est pas en le punissant que j'y arriverai. Céline, lui, est de notre bord. Quand il souffre, il sait pourquoi. L'ange, vous avez raison, patron, comme toujours. Dieu, tu l'as dit, Bouffi. Nous pensons que Dieu, ce jour-là, fut d'une réelle mauvaise foi. Mais nous ne le dirons pas. Il condamna l'ange à revenir sur terre, et ce dernier accepta le châtiment, la tête et les ailes baissées en signe de soumission, mais intérieurement il jubilait. Parfois il vient en aide à ses nouveaux amis, les Bretons, de manière toujours discrète. Tenez, pas plus tard qu'hier, nous l'avons vu faire disparaître une convocation de l'ANPE adressée à Céline. C'était pour une place de barman.